Section 9 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e. Section 9. L'adoré par René Mézeroy. Juillet 1885. C'est bon de n'être que deux, de recommencer l'amour comme si toutes les sensations en étaient ignorées et nouvelles, de s'emprisonner seuls l'un avec l'autre, dans ce château hanté de souvenirs, dans ce parc solitaire et fleuri, ainsi qu'un mystérieux jardin, et de se laisser vivre sans penser à rien d'autre qu'à s'adorer. Lorsque le crépuscule tombe, et qu'il flotte comme un voile de gaz au-dessus de la rivière, allumé de pâles reflets d'étoiles, nous nous promenons sur l'eau. La barque file sans bruit, rien qu'avec quelques coups de rame. Dans les clos de pommiers qui bordent la rivière, et d'où s'exhalent des effragrances de fruits verts et d'herbes fauchées, les rossignols s'appellent et se répondent. C'est tout le long de la rivière, envahie par les roseaux, et les reines des prés, une chanson ininterrompue, une sérénade de petites flûtes aiguës, joyeuses, et sans trêve pareille, qui fusent vers les constellations, qui heurtent des feuillages noirs et se perdent, s'apaisent dans le sourd clapotis du courant. Et quoi qu'elle soit adorable dans cette vague clarté, qu'elle ait à l'arrière de la barque des poses de reines paresseuses, que ses yeux luisent de joie, autant que les étoiles innombrables de la chaude nuit d'été. Nous n'osons pas nous embrasser, nous dire les phrases de désir qui affolent, troubler le solennel recueillement de l'ombre, qui s'épand comme à regret sur les moissons, sur les collines, sur les routes blanches, et sur cette eau calme, argentée de paillettes, comme une jupe de danseuse bohème. Fin de la section 9, enregistrée par Margot.